Quatrième journée, chapitre 1. À l'hôpital de Notre-Dame des Douleurs, ce matin-là, Marie était restée assise sur son lit, le dos appuyé contre des oreillers. Ayant passé la nuit entière à la grotte, elle avait refusé de s'y laisser conduire. Et comme Madame de Jonquière s'était approchée pour relever un des oreillers qui glissait, elle lui demanda « Quel jour sommes-nous donc, Madame ?»« Lundi, ma chère enfant. »« Ah, c'est vrai, on ne sait plus comment on vit, n'est-ce pas ?»« Et puis, je suis si heureuse. C'est aujourd'hui que la Sainte Vierge va me guérir. » Elle souriait divinement, d'un air de rêveuse éveillée, les yeux perdus, si absente, si absorbée dans l'idée fixe, qu'elle ne voyait, au loin, que la certitude de son espoir. Et la salle Sainte-Honorine venait de se vider autour d'elle. Toutes les malades étaient parties à la grotte. Il ne restait là, dans le lit voisin, que Madame vêtue, agonisante. Mais elle ne l'apercevait même pas. Elle était ravie de la paix brusque qui s'était faite. On avait ouvert une des fenêtres sur la cour. Le soleil de la radieuse matinée entrait en un large rayon, dont la poussière d'or, précisément, dansait sur son drap, baignant ses mains pâles. Cela était si bon, cette salle lugubre la nuit, avec son entassement de grabats douloureux, sa puanteur, ses gémissements de cauchemar, tout d'un coup ensoleillé ainsi, et rafraîchi par l'air matinal, et tombée à une telle douceur de silence. Pourquoi n'essayez-vous pas de dormir un peu ? Reprit maternellement Madame de Jonquière. Vous devez être brisée de toute une nuit de veille. Marie parut surprise, si légère, si envolée, qu'elle ne sentait plus ses membres. Mais je ne suis pas fatiguée du tout, je n'ai pas sommeil. Dormir ? Oh non, cela serait trop triste. Je ne saurais plus que je vais être guérie. Cela fit rire la directrice. Alors, pourquoi n'avez-vous pas voulu qu'on vous menât à la grotte ? Vous allez vous ennuyer dans ce lit toute seule. Je ne suis pas seule, madame. Je suis avec elle. Elle joignait les mains en son extase, tandis que s'évoquait sa vision. Vous savez que, cette nuit, je l'ai vue qui inclinait la tête en me souriant. J'ai bien compris, j'ai bien entendu sa voix, sans qu'elle ouvrît les lèvres. À 4 heures, lorsque passera le Saint-Sacrement, je serai guérie. Madame de Jonquière voulut la calmer, un peu inquiète de cette sorte de somnambulisme où elle la voyait. Mais la malade répétait « Non, non, je ne suis pas plus mal, j'attends. Seulement, vous comprenez, madame, je n'ai pas besoin d'aller ce matin à la grotte, puisque le rendez-vous qu'elle m'a donné est pour 4 heures. » Et elle ajouta plus bas « À 3h30, Pierre viendra me chercher. À 4 heures, je serai guérie. » Le soleil, lentement, montait le long de ses bras nus, si transparent, d'une délicatesse maladive. Tandis que ses admirables cheveux blonds, glissés sur ses épaules, semblaient un ruissellement même de l'astre qui l'enveloppait toute. Un chant d'oiseaux vint de la cour, le silence frissonnant de la salle en fut égayé. Quelque enfant qu'on ne voyait pas devait jouer par là, car des rires légers par moments s'élevaient aussi, dans l'air tiède, d'une tranquillité délicieuse. « Allons, conclut Madame de Jonquière, ne dormez pas, puisque vous n'avez pas sommeil. Seulement, restez bien sage, ça vous reposera tout de même. » Mais dans le lit voisin, Madame vêtue se mourait. On n'avait point osé la mener à la grotte, par crainte de la voir passer en route. Depuis un instant, elle avait les yeux fermés, et Sœur Hyacinthe, qui l'examinait, appela d'un geste Madame des Agneaux pour lui dire sa mauvaise impression. Toutes les deux, maintenant, penchées au-dessus de la moribonde, l'épiaient avec une inquiétude croissante. Le masque avait jauni encore, couleur de boue. Les orbites s'étaient creusées, les lèvres semblaient s'amincir. Et le râle surtout, le râle commençait. Un souffle lent et pestilentiel, empoisonné par le cancer qui achevait de dévorer l'estomac. Brusquement, elle souleva les paupières, elle s'effraya en apercevant ses deux visages penchés sur le sien. Est-ce que sa mort était prochaine, qu'on la regardait ainsi? Une tristesse immense parut dans ses yeux, un regret désespéré de la vie. Cela n'allait pas jusqu'à la révolte violente, car elle n'avait plus la force de se débattre. Mais quel affreux sort! Quitter sa boutique, quitter ses habitudes, son mari, pour venir mourir si loin. Braver le supplice abominable d'un tel voyage, prier le jour, prier la nuit, et ne pas être exaucée, et mourir lorsque d'autres guérissaient. Elle ne put que bégayer. Je souffre. Ah, que je souffre. Je vous en supplie, faites quelque chose. Faites au moins que je ne souffre plus. » La petite madame des agneaux, avec son joli visage de lait, noyé dans les bourriffements de ses cheveux blonds, était bouleversée. Elle n'avait pas l'habitude des agonies. Elle aurait donné la moitié de son cœur, comme elle le disait, pour sauver cette pauvre femme. Et elle se releva. Elle prit à partie sœur Hyacinthe, touchée aux larmes, elle aussi, mais résignée déjà au salut par une bonne mort. Est-ce que vraiment il n'y avait rien à faire? Est-ce qu'on ne pouvait pas tenter quelque chose, ainsi que la mourante le demandait? Le matin même, 2 heures plus tôt, l'abbé Judaine était venu l'administrer en lui donnant la communion. Elle avait le secours du ciel, c'était le seul sur lequel elle put compter, puisque depuis longtemps elle n'attendait plus rien des hommes. « Non, non, il faut nous remuer !» s'écria madame des agneaux. Et elle alla chercher madame de Jonquière, près du lit de Marie. « Entendez-vous, madame, cette malheureuse qui souffre? Sœur Hyacinthe prétend qu'elle n'en a plus que pour quelques heures, mais nous ne pouvons la laisser gémir ainsi. Il y a des choses pour calmer. » Ce jeune médecin qui est ici, pourquoi ne pas le faire venir ? Certainement, répondit la directrice, tout de suite. On ne pensait jamais aux médecins dans les salles. L'idée n'en venait à ces dames qu'au moment des crises terribles, lorsqu'une de leurs malades hurlait de douleur. Sœur Hyacinthe elle-même, étonnée de n'avoir pas songé à Ferrand, qu'elle savait dans une pièce voisine, demanda « Voulez-vous, madame, que j'aille chercher Monsieur Ferrand ?»« Mais sans doute, ramenez-le vite !» Et lorsque la sœur fut partie, madame de Jonquière se fit aider par madame des agneaux pour relever un peu la tête de la moribonde, pensant que cela la soulagerait. Ces dames se trouvaient justement seules ce matin-là, toutes les autres dames hospitalières étant allées à leurs affaires ou à leurs dévotions. Au fond de la grande salle vide, d'une paix si douce, où le soleil mettait son tiède frisson, on n'entendait toujours, par moments, que les rires légers de l'enfant qu'on ne voyait pas. « Est-ce que c'est Sophie qui fait tout ce bruit ?» dit soudain la directrice, un peu énervée, dans le gros ennui de la catastrophe qu'elle prévoyait. Elle marcha vivement, alla jusqu'au bout de la salle, et c'était en effet Sophie Couteau, la petite miraculée de l'année précédente, assise par terre, derrière un lit, qui, malgré ses 14 ans, s'amusait à faire une poupée avec des chiffons. Elle lui parlait, elle était si heureuse, si perdue dans son jeu, qu'elle en riait d'aise. « Tenez-vous droite, mademoiselle, dansez un peu la polka pour voir. Une, deux, dansez, tournez, embrassez celle que vous voudrez. » Mais madame de Jonquière arrivait. « Ma petite fille, nous avons là une de nos malades qui souffre beaucoup et qui est au plus mal. Il ne faut pas rire si fort. »« Ah, madame, je ne savais pas. » Elle s'était relevée, elle gardait sa poupée à la main, devenue très sérieuse. « Madame, est-ce qu'elle va mourir ?»« J'en ai peur, ma pauvre enfant. » Alors, Sophie ne souffla plus. Elle avait suivi la directrice, elle s'était assise sur un lit voisin, et de ses grands yeux, avec une curiosité ardente, sans peur aucune, elle regardait Madame Vêtue agoniser. Nerveuse, Madame des Agneaux s'impatientait de ne pas voir le médecin venir, tandis que Marie, extasiée, ensoleillée, semblait rester étrangère à tout ce qui se passait autour d'elle, dans l'attente ravie du miracle. Sœur Hyacinthe n'avait pas trouvé Ferrand, dans la petite pièce où il se tenait d'habitude, près de la lingerie, et elle le cherchait par toute la maison. Depuis 2 jours, le jeune médecin s'effarait de plus en plus au milieu de ce singulier hôpital, où l'on ne réclamait jamais son aide que pour des agonies. La petite boîte de pharmacie qu'il avait apportée se trouvait même inutile, car il ne fallait pas songer à instituer un traitement quelconque, puisque les malades n'étaient pas là pour se soigner, mais simplement pour guérir dans le coup de foudre d'un prodige. Aussi ne distribuait-il guère que des pilules d'opium qui endormaient les trop grosses souffrances. Il avait eu la stupeur d'assister à une tournée du docteur Bonamy au travers des salles. C'était une simple promenade, le médecin venait en curieux, ne s'intéressait pas aux malades, qu'il n'examinait ni n'interrogeait. Il se préoccupait uniquement des prétendues guérisons, s'arrêtait devant les femmes qu'il reconnaissait pour les avoir vues à son bureau, où les miracles étaient constatés. Une d'entre elles avait 3 maladies, et la Sainte Vierge, jusque-là, n'avait daigné en guérir qu'une, mais on avait bon espoir pour les 2 autres. Parfois, une malheureuse, guérie la veille, questionnée sur son état, répondait que les douleurs étaient revenues, ce qui n'entamait point la sérénité du docteur, toujours conciliant, s'en remettant au ciel pour achever ce que le ciel avait commencé. Quand il y avait un commencement de santé meilleure, n'était-ce pas déjà bien beau? Aussi était-ce son mot habituel. Il y a un commencement, patientez. Mais ce qu'il redoutait surtout, c'était les obsessions des dames directrices, qui toutes auraient voulu le retenir pour lui montrer des sujets extraordinaires. Chacune avait la vanité de compter, dans son service, les maladies les plus graves, des cas exceptionnels, affreux, de sorte qu'elle brûlait de les faire constater, afin d'en triompher ensuite. Celle-ci l'arrêtait par le bras, lui affirmait qu'elle croyait bien avoir une lèpre. Celle-là le suppliait, lui parlait d'une jeune fille dont les reins étaient couverts d'écailles de poisson. Une troisième chuchotait à son oreille, lui donnait des détails épouvantables sur une dame mariée du meilleur monde. Il s'échappait, refusait d'en visiter une seule, finissait par promettre de revenir, plus tard, quand il aurait le temps. Comme il le disait, si l'on avait écouté ces dames, la journée se serait passée à donner des consultations inutiles. Puis, tout d'un coup, il s'arrêtait devant une miraculée, appelait Ferrand d'un signe en s'écriant « Ah, voici une guérison intéressante !» Et Ferrand, ahuri, devait l'entendre reconstituer la maladie qui avait totalement disparu à la première immersion dans la piscine. Enfin, l'abbé Judaine, qu'elle rencontra, apprit à sœur Hyacinthe qu'on venait d'appeler le jeune médecin à la salle des ménages. C'était la 4e fois qu'il y descendait pour le frère Isidore, dont les tortures ne cessaient pas. Il ne pouvait que le bourrer d'opium. Dans son martyre, le frère demandait seulement à être calmé un peu, afin de trouver la force de se rendre, l'après-midi encore, à la grotte, où il n'avait pu aller le matin. Mais la douleur augmentait. Il perdit connaissance. Lorsque la sœur entra, elle trouva le médecin assis au chevet du missionnaire. « Monsieur Ferrand, montez vite avec moi à la salle Sainte-Honorine, où nous avons une malade en train de mourir. » Il lui avait souri. Il ne la voyait jamais sans être égayé et réconforté. « Je vais avec vous, ma sœur. » Mais une minute, n'est-ce pas? Je voudrais ranimer ce malheureux. » Elle prit patience. Elle se rendit utile. la salle des ménages au rez-de-chaussée était elle aussi tout ensoleillée, baignée d'air par ses trois grandes fenêtres qui donnaient sur un étroit jardin. Seul avec le frère Isidore, M. Sabatier était resté au lit ce matin-là pour se reposer un peu, pendant que Mme Sabatier, profitant de l'occasion, allait faire quelques achats des médailles et des images destinées à des cadeaux. Béatement assis sur son séant, le dos appuyé contre des coussins, il roulait entre ses doigts les grains d'un chapelet, mais il ne priait plus. Il continuait, par une sorte de distraction machinale, les yeux sur son voisin, dont il suivait la crise avec un intérêt douloureux. « Ah, ma sœur !» dit-il à sœur Hyacinthe qui s'était approchée. « Ce pauvre frère, il m'emplit d'admiration. Hier, j'ai douté un instant de la Sainte Vierge en voyant qu'elle ne daignait pas m'entendre. Depuis 7 ans que je viens ici. Et c'est l'exemple de ce martyr, si résigné dans sa torture, qui m'a fait honte de mon peu de foi. Vous ne vous doutez pas de ce qu'il souffre, et il faut le voir devant la grotte, avec ses yeux brûlants d'une espérance sublime. C'est vraiment très beau. Je ne connais au Louvre qu'un tableau d'un maître italien inconnu, où il y avait une tête de moine divinisée par une foi pareille. L'intellectuel reparaissait. L'ancienne universitaire, nourrie de littérature et d'art, chez ce foudroyé de la vie qui avait voulu se faire hospitaliser, n'être plus qu'un pauvre pour toucher le ciel. Il eut un retour sur lui-même et il ajouta, dans la ténacité de son espoir, que l'inutilité de 7 voyages à Lourdes n'avait pu abattre. « Enfin, j'ai encore l'après-midi !» puisque nous ne partons que demain. L'eau est bien froide, mais je me ferai tremper une dernière fois. Et depuis ce matin, je prie, je demande pardon de ma révolte d'hier. N'est-ce pas, ma sœur? Il suffit à la Sainte Vierge d'une seconde quand elle veut bien guérir un de ses enfants. Que sa volonté soit faite et que son nom soit béni. Il s'était remis à dire les Ave et les Pater en roulant les grains du chapelet d'une main plus lente, tandis que ses paupières se fermaient à demi dans sa face molle où revenait une expression d'enfance depuis tant d'années qu'il était comme retranché du monde. Mais Ferrand avait appelé d'un signe Marthe, la sœur du frère Isidore. Elle était là, debout au pied du lit, les bras ballants, regardant le moribond qu'elle adorait, sans une larme, avec sa résignation de pauvre fille à la cervelle étroite. Elle n'était qu'un chien dévoué. Elle avait suivi son frère, dépensant ses 4 sous d'économie, ne servant à rien qu'à le voir souffrir. Aussi, quand le médecin lui dit de prendre dans ses bras le malade et de le soulever un peu, fut-elle bien heureuse d'être enfin utile à quelque chose? Sa face épaisse et morne, tachée de rousseur, s'éclaira. « Tenez-le pendant que je vais tâcher de lui faire prendre ceci. » Elle le souleva, et Ferrand parvint, avec une petite cuillère, à introduire entre ses dents serrées quelques gouttes de liquide. Presque aussitôt, le malade rouvrit les yeux, soupira profondément. Il était plus calme, l'opium faisait son effet, endormait la douleur qu'il sentait dans son flanc droit, comme un fer rouge. Mais il restait si faible que, lorsqu'il voulut parler, on dut approcher l'oreille de sa bouche pour entendre. D'un petit geste de la main, il avait prié Ferrand de se pencher. « Monsieur, vous êtes le médecin, n'est-ce pas? Donnez-moi des forces pour que j'aille encore à la grotte cet après-midi. » « Je suis certain que, si je puis y aller, la Sainte Vierge me guérira. »« Mais certainement, vous irez, » répondit le jeune homme. « Est-ce que vous ne vous sentez pas beaucoup mieux ?»« Oh, beaucoup mieux, non. Je sais très bien ce que j'ai, parce que j'ai vu mourir plusieurs de nos frères là-bas, au Sénégal. Quand le foie est pris et que l'abcès se fait jour au dehors, c'est fini. » Les sueurs arrivent, la fièvre, le délire. Mais la Sainte Vierge touchera le mal de son petit doigt et il sera guéri. Oh, je vous en supplie tous, qu'on me porte à la grotte, même si je n'ai plus ma connaissance. » Sœur Hyacinthe, elle aussi, était venue se pencher. « Soyez sans crainte, mon cher frère, vous irez à la grotte après le déjeuner, et nous prierons tous pour vous. » Enfin, elle put emmener Ferrand, désespérée de ses retards, très inquiète de Madame Vêtu. Cependant, le sort du frère la pitoyait, et tout en montant, elle questionnait le médecin, lui demandait s'il n'y avait vraiment plus d'espérance. Celui-ci eut un geste d'absolue condamnation. C'était folie que de venir à Lourdes dans un état pareil. Il se reprit avec un sourire. « Je vous demande pardon, ma sœur. Vous savez que j'ai le malheur de ne pas croire. » Mais elle sourit à son tour, indulgente, en amie qui tolère les imperfections de ce qu'elle aime. « Oh, ça ne fait rien, je vous connais, vous êtes quand même un brave garçon. Et puis, nous voyons tant de monde, nous allons chez de tels païens que nous aurions fort à faire de nous scandaliser. » En haut, dans la salle Sainte-Honorine, ils trouvèrent Madame Vêtu gémissant toujours, en proie à des souffrances intolérables. Près du lit, Madame de Jonquière et Madame des Agneaux étaient restées, pâlissantes, bouleversées d'entendre ce cri de mort qui ne cessait plus. Et lorsqu'elles eurent questionné Ferrand, à voix basse, il répondit simplement d'un léger haussement d'épaules. C'était une femme perdue, il n'y avait plus là qu'une question d'heure, de minutes peut-être. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de la stupéfier, elle aussi, pour lui faciliter l'atroce agonie qu'il prévoyait. Elle le regardait, elle gardait encore sa connaissance, très obéissante d'ailleurs, ne refusant aucun médicament. Comme les autres, elle n'avait plus qu'un ardent désir, celui de retourner à la grotte. Elle le balbutia d'une voix d'enfant qui tremble de n'être pas écoutée. « À la grotte, n'est-ce pas? À la grotte !»« On va vous y porter tout à l'heure, je vous le promets, » dit sœur Hyacinthe. « Seulement, il faut être sage, tâchez de dormir un peu pour prendre des forces. » La malade parut s'assoupir, et Madame de Jonquière crut pouvoir emmener Madame des Agneaux à l'autre bout de la salle, où elles se mirent à compter du linge, toute une comptabilité dans laquelle elles ne se retrouvaient pas, des serviettes ayant disparu. Sophie n'avait pas bougé, assise sur le lit d'en face. Elle venait de poser sa poupée sur ses genoux, attendant que la dame mourût, puisqu'on lui avait dit qu'elle allait mourir. D'ailleurs, sœur Hyacinthe était demeurée près de la mourante, et, ne voulant pas perdre son temps, elle avait pris une aiguille et du fil pour raccommoder le corsage d'une de ses malades, que l'usure faisait craquer aux manches. « Vous restez un moment avec nous, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle à Ferrand. Celui-ci continuait à étudier Madame Vêtu. « Oui, oui, elle peut être emportée d'une minute à l'autre. Je crains une hémorragie. » Puis, ayant aperçu Marie dans le lit voisin, baissant la voix, « Comment va-t-elle? A-t-elle éprouvé un soulagement ?»« Non, pas encore. Ah, la chère enfant, nous faisons tous pour elle des vœux bien sincères. Si jeune, si charmante et si affligée. Regardez-la donc en ce moment. Est-elle jolie? On dirait une sainte dans tout ce soleil, avec ses grands yeux d'extase et sa chevelure d'or, qui luit pareil à une auréole. » Ferrand, intéressé, l'examina un instant. Elle le surprenait par son air d'absence, son insouciance de tout ce qui l'entourait, l'ardente foi, l'ardente joie intérieure qui la repliait sur elle-même. « Elle guérira, » murmura-t-il, comme s'il eût porté tout bas un pronostic. « Elle guérira. »